Et si tout avait commencé à Tiaroy ? Tout, c'est-à-dire l'irrésistible mouvement de décolonisation du continent africain. Et la prise de conscience par les indigènes, comme on les appelait encore au mi-temps du XXe siècle, de leurs conditions d'exploités et de sous-hommes. Oui, si tout avait commencé le 1er décembre 1944 à Tiaroy, modeste casernement de la banlieue de Dakar, sous le feu de la soldatesque coloniale française. Bien entendu, c'est une supposition réductrice et certainement inexacte. Et pourtant, le massacre de Tiaroy demeure comme une cicatrice indélébile dans l'histoire de la colonisation. Un événement originel qui a profondément marqué l'Afrique francophone et dont le souvenir reste vif 70 ans plus tard. À tel point que François Hollande, lors d'un voyage récent au Sénégal, a reconnu officiellement la responsabilité de la France dans la tragédie de Tiaroy. Une déclaration qui est en quelque sorte, pour les Africains, le pendant du discours de Jacques Chirac lorsqu'en 1995, il a solennellement reconnu la responsabilité des autorités françaises dans la rafle du Veldiv et la déportation des Juifs. Cependant, rares sont les Français qui connaissent l'affaire de Tiaroy. C'est pourquoi M. X m'a proposé de me raconter cette page sombre de notre histoire coloniale. Maque le pas, un, deux, en ce combattant, on a soutiré. Maque le pas, un, deux, en ce combattant, on a soutiré. Maque le pas, un, deux, en ce combattant, on a soutiré. Maque le pas, un, deux, en ce combattant, on a soutiré. Tu ne sais pas que moi je suis ancien combattant. Moi je suis ancien combattant, j'ai fait la guerre mondiale. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de camarade ouai. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de pitié, mon ami. La guerre, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand les armes pleurent, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand la balle siffle, il n'y a pas de choisi. Avec le coup de matraque, tout à coup, patatras. Cadavère, le peuple cadavère. Les militaires cadavère. Les rois cadavère. Les reines cadavère. Tous les présidents cadavère. Les ministres cadavère. Tous les mondes cadavère. Et moi-même cadavère. Marque le pas. Le pas, on s'est combattant, on a sauté. Pourquoi la guerre, pourquoi la guerre, pourquoi la guerre? La guerre, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand viendra la guerre, tout le monde affamé, oh. Quand viendra la guerre, tous nos enfants affamés, oh. Le coq ne va plus le coquer, coucourico. La poule ne va plus le couler, couler les œufs. Le footballeur ne va plus le fouter, pousser les ballons. Tout le monde ne va plus le foutre, pousser le ballon. Cadavère, les joueurs, cadavère, les équipes, cadavère, la radio, cadavère, la télévision, cadavère, les stades, cadavère, les arbitres, cadavère, les supporters, cadavère, ta femme, cadavère, ton premier bureau, cadavère, ton deuxième bureau, cadavère, mes bœufs, cadavère, mes moutons, cadavère, mon chien, cadavère, mon chat, cadavère. Tout le monde est cadavéré. Et moi-même est cadavéré. Ce combattant, on a sauté. Marque le pas, un, deux. Ce combattant, on a sauté. Marque le pas, un, deux. Ce combattant, on a sauté. Marque le pas, un, deux. Ce combattant, on a sauté. La bombe, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. La bombe atomique, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Les patriotes, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Les gaz, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Les armes chimiques, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Les scouts, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Les armes non conventionnelles, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand tombera la bombe, tout le monde est bombé, oh. Cadavère, ton pays, cadavère. La France, cadavère. L'Italie, cadavère. L'URSS, cadavère. Les États-Unis, cadavère. L'Allemagne, cadavère. Les enfants, cadavère. Inter, Patrick Pénaud a rendez-vous avec X. Pour bien comprendre, il vous faut d'abord savoir que, exactement comme lors de la Grande Guerre, la France a mobilisé en 39-40 de nombreux soldats coloniaux. Oui, en provenance de notre très vaste empire colonial. On estime alors de la débâcle de mai-juin 1940, qui se trouve sur le sol de la métropole, près de 150 000 combattants originaires des colonies, et parmi eux beaucoup d'hommes issus d'Afrique noire. Ah, c'est les fameux tirailleurs sénégalais. Une appellation attribuée pêle-mêle à tous ces soldats, mais enfin peu importe. Certains démobilisés pourront revenir tout de suite chez eux. Toutefois, nombreux sont ceux qui sont faits prisonniers par les Allemands. Nombreux aussi, presque 3000, sont ceux qui sont sommairement exécutés dès leur capture. Et pas par des unités SS, mais par des soldats de la Wehrmacht. Ah, des membres de l'armée régulière. Qui sont donc une première fois salis des mains, avant plus tard, de participer également au massacre de Juifs sur le front de l'Est. Enfin, passons. Il existe donc, en 1940, des dizaines de milliers de prisonniers noirs. Mais les vainqueurs n'en veulent pas chez eux. À la différence des Blancs qui vont être envoyés en Allemagne dans des stalags. Oui, car il n'est pas question que des individus appartenant à une race prétendument inférieure souillent le sol allemand. Par conséquent, ces tirailleurs sénégalais sont parqués dans des fronts stalags implantés en France, occupés et parfois soumis au travail forcé. À noter, ce n'est pas seulement un détail de l'histoire, qu'à partir de 1943, ce sont des gardes français qui seront chargés de leur surveillance. Donc des fonctionnaires du gouvernement de Vichy. Exactement. Mmh. En 1944, lorsque le territoire national est peu à peu libéré, il se pose la question du rapatriement de ces soldats qu'on n'a pas trop envie de voir stationner en métropole. Il faut les renvoyer au plus vite en Afrique, quoi. C'est l'impression que ça donne. Ouais. Car même des évadés qui ont rejoint des maquis de résistants et continuent à combattre les Allemands reçoivent l'ordre de quitter la métropole, aux grandes dames des unités qui les ont incorporés. Enfin, je continue. Il faut donc organiser leur rapatriement, mais aussi assurer leur démobilisation, car officiellement, ce sont toujours des militaires. Donc, à l'égal de leurs camarades blancs, ils ont en principe le droit de toucher un rappel de solde et une prime de démobilisation. Oui, mais vous avez dit en principe. Oui, oui, car malgré les circulaires officielles, les autorités militaires rechigneront souvent à payer ce qui est dû à ces soldats, ce qui provoquera en de nombreux points du territoire de graves incidents et même de vraies mutineries. À Versailles, par exemple, ça se traduira par des prises d'otages de gendarmes. Des fêtes généralement passées sous silence. Vous avez raison. Les Français, tout juste libérés, ont l'esprit ailleurs. Et la presse s'abstient la plupart du temps d'évoquer ces incidents. Pourtant, à l'occasion de ces incidents, on va voir se développer des arguments particulièrement nauséeux. Ces soldats indigènes révoltés auraient agi à l'instigation des Allemands. Attendez, je comprends pas, l'occupant avait fui quand ces incidents ont éclaté. Oui, mais l'ennemi aurait entretenu chez ses prisonniers tout au long de leur détention la haine de la France, la puissance coloniale. C'est sérieux, ça ? Pas trop, non. Mais il fallait bien justifier ces révoltes spontanées. Alors, venons-en maintenant à l'enchaînement des faits qui finira par déboucher sur le massacre de Thiaroy. Fin novembre 1944. Au début de ce même mois, on organise un premier convoi de soldats indigènes. C'est ainsi qu'on les appelle à l'époque. Hein. Oui, donc on regroupe à Morlaix des hommes qui doivent être rapatriés en Afrique. Ils viennent de trois lieux de transit, Versailles, La Flèche et Rennes. Première difficulté, les textes officiels prévoient que ces soldats doivent percevoir, avant leur départ, un quart des sommes auxquelles ils ont droit. Mais les trois détachements n'ont pas tous reçu le même pécule. Et certains de ces hommes n'ont même pas du tout été payés. Résultat, un peu plus de 300 tirailleurs sénégalais refusent d'embarquer et restent à quai. Et combien seront-ils à monter sur le bateau ? Les chiffres ne sont pas très précis et selon les sources, ils sont même contradictoires. Néanmoins, le 5 novembre, au départ de Morlaix, ils doivent être plus de 1600 à se trouver à bord du Circassia, le bateau du retour vers leur terre natale. Mais pendant la traversée, la question de l'argent ressurgit. C'est si vrai qu'à l'escale de Casablanca, pour les mêmes raisons, 400 soldats descendent à terre. Et ne remontent pas à bord. En effet, ce sont donc 1280 hommes qui débarquent à Dakar le 21 novembre 1944. Mais d'après certaines sources, ils auraient été plus nombreux. Et pourquoi cette imprécision-là ? D'après Armelle Mabon, une historienne dont j'aurai sans doute à reparler, car elle a effectué un travail remarquable sur l'affaire de Thiaroy, Les autorités militaires auraient pu, a posteriori, effacer des registres un certain nombre de soldats afin de camoufler l'ampleur du massacre du 1er décembre. Mais je lui laisse la responsabilité de cette hypothèse. Et comment se passe l'arrivée à Dakar ? L'accueil est plutôt chaleureux. Une garde d'honneur est même présente. Mais ces soldats qui viennent de métropole ne peuvent pas manquer d'observer que ces militaires qui leur rendent les honneurs sont nu-pieds. Et qu'est-ce que ça signifie ? Ça traduit le dénuement de cette troupe coloniale. Aussi, lorsque les tirailleurs sénégalais rapatriés exigent de conserver leurs équipements et uniformes, ça crée de sérieuses frictions. Acceptons à leur demande ? Contraints et forcés, les officiers doivent accepter. Mais le plus dur est à venir. Car il y a toujours en suspens la question de la solde de captivité que ces ex-prisonniers de guerre n'ont pas encore touchée. Non, puisque dans le meilleur des cas, ils n'ont reçu qu'un quart des sommes prévues. Doit s'y ajouter une prime de traversée payée dès le débarquement. Mais, mesquinerie des autorités militaires coloniales, cette prime est calculée au tarif AOF, et non pas au tarif France, plus cher, comme cela leur avait été promis. Oui, AOF, c'est l'Afrique occidentale française. En tout cas, ça veut dire qu'une fois de plus, on a introduit une différence entre ces soldats indigènes et les soldats de la métropole. C'est certain. Et après avoir débarqué, là, où vont ces hommes ? Ils sont conduits à la caserne de Tiaroy. En fait, il s'agit d'une série de baraquements situés près de Dakar. Pour les tirailleurs sénégalais, ce n'est qu'une étape, car ils doivent ensuite être envoyés à Bamako, où ils seront effectivement démobilisés. Mais ces soldats ne veulent pas quitter Tiaroy avant d'avoir perçu ce qu'on leur doit. Ouais, parce qu'ils pensent qu'une fois arrivés au Mali, on les oubliera. Le Mali, qu'on appelle encore le Soudan français, oui, c'est probable. Donc, ils se méfient. D'autant que de circulaire en circulaire, la plus grande confusion règne au sein de l'administration militaire. Ainsi, selon d'autres directives, les prisonniers de guerre auraient dû toucher l'essentiel de leurs soldes et de leurs primes avant même leur départ de métropole. Bref, ils ont l'impression qu'on se moque d'eux et qu'on fait tout pour ne pas les payer. Ouais. D'accord, mais que peuvent-ils faire ? De la résistance passive. Ils n'ont pas l'intention de bouger tant qu'on ne leur aura pas rendu justice. À cela, il faut sans doute ajouter, dès ce moment, la naissance d'un vrai sentiment anticolonialiste. Et certains évoquent également une véritable spoliation. Vous voulez dire qu'ils soupçonnent que l'argent n'a pas été perdu pour tout le monde ? Et qu'il aurait donc pu être détourné. Mais je le dis tout de suite, si ces sommes importantes ont fait l'objet d'un vol, aucune preuve n'a jamais pu être apportée. Ni sur le détournement, ni sur l'identité des gens qui en auraient bénéficié, en tout cas. La grogne monte parmi les tirailleurs sénégalais. Aussi, le 28 novembre, quand le général Dagnan, commandant la division Sénégal-Mauritanie, se présente pour inspecter le camp de Tiaroy, il est vivement pris à partie par les soldats. Et concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Sa voiture est bloquée et les noms d'oiseaux doivent voler, mais il n'y a pas de voie de fait. J'imagine quand même que ce général ne doit guère apprécier. Forcément. Pour lui, ces manifestations de soldats s'apparentent à une mutinerie. Et il s'en ouvre dès le lendemain à son supérieur, le général de Bois-Bossel. L'insubordination de ces soldats rapatriés n'est pas supportable. Il faut faire une démonstration de force afin de reprendre le contrôle de la caserne et de rétablir l'autorité militaire. La discipline avant tout. C'est l'avis de ces deux officiers supérieurs. Quelles dispositions vont-ils prendre ? Le général Dagnan met le paquet, si vous me pardonnez cette expression. Il organise un détachement d'environ 1100 soldats coloniaux encadrés par des officiers métropolitains. Il y a là deux bataillons d'infanterie, un peloton de sous-officiers, des gendarmes et bien sûr des hommes de troupes. Des soldats indigènes, par conséquent. Oui, et cette troupe imposante est appuyée par un char américain, deux auto-chenilles et trois automitrailleuses. Mais n'est-ce pas disproportionné simplement pour calmer des hommes un peu échauffés ? C'est ce qui apparaît aujourd'hui, mais pour les autorités militaires, ce déploiement de force est indispensable. Et quel est le plan prévu ? C'est la grande question. Qu'ont vraiment décidé les généraux ? Et jusqu'où ira leur démonstration de force ? On en reparlera, bien entendu. Quoi qu'il en soit, les choses ne traînent pas. Le 1er décembre, au petit matin, la troupe investit le camp de Tiaroy. Thank you. Après le drame, le général Dagnan s'expliquera sur son état d'esprit avant que l'assaut ne soit donné contre le camp de Tiaroy. Voici ce qu'il écrit dans son rapport. « Le matin du 29 novembre, je rendais compte verbalement de ces incidents et de la situation au général commandant supérieur revenant en avion d'une tournée de 6 jours. Et je lui exposais, en détail, dans l'après-midi. Je lui soumettais en même temps mon intention de faire, par surprise, une démonstration très importante de forces militaires à Tiaroy afin d'impressionner les anciens prisonniers et de pouvoir, sous la protection de cette démonstration, remettre de l'ordre dans le détachement, le rassembler et obtenir son obéissance. » Alors, que se passe-t-il ce 1er décembre quand cette troupe impressionnante entre dans le camp de Tiaroy? Et d'abord, en mettant en place de tels moyens, le commandement ne procédait-il pas à une provocation? Pour inciter les mutins à réagir? Ça me paraît évident, non? Sans doute, oui. Parce qu'il fallait légitimer la riposte. Oui, c'est ce que les autorités militaires ont espéré. Enfin, n'anticipons pas. Je dois d'abord dire que cette séquence dramatique semble extrêmement confuse, et pour plusieurs raisons. La principale étant que les responsables, devant l'énormité de l'événement, se sont empressés de mentir après coup. Oui, et donc difficile d'y voir clair. C'est incontestable. Alors que sait-on? Voyons d'abord ce qui a été présenté comme la version officielle dans les rapports rédigés par les officiers qui étaient sur place. Les troupes entrent dans le camp au petit matin vers 6h30. Les armes des soldats ne sont pas chargées. Et les cartouches n'ont pas été distribuées. C'est ça. Les officiers ne doivent les donner qu'en cas de nécessité. Est-ce parce qu'on se méfie de ces soldats coloniaux qui pourraient être solidaires de leurs camarades de Tiaroy? Vous pensez bien que les rapports officiels n'en parlent pas. Enfin, je poursuis. Vers 8h40, des tirs en provenance des mutins sont observés. La troupe doit réagir. Les cartouches sont distribuées par les chefs de section et le feu est ouvert à 9h30. La salve ne dure qu'une dizaine de secondes. Elle suffit pour mettre fin à la mutinerie. 24 tirailleurs sénégalais ont été tués sur le coup. S'y ajoutent des dizaines de blessés, dont 11 succombent dans la journée. 35 morts, donc. Mais plusieurs mois plus tard, un rapport des autorités militaires évoquera le chiffre de 70 morts, car il a été tenu compte des hommes qui sont ensuite décédés à l'hôpital. La version officielle rapporte aussi que 300 des ex-prisonniers de guerre ont été immédiatement envoyés à Bamako, tandis que les autres sont demeurés consignés dans la caserne de Tiaroy, certains en attente de jugement. Alors maintenant, j'imagine que vous allez tenter de m'expliquer ce qu'il s'est réellement passé. Et ce n'est pas facile, tant les témoignages se contredisent. Mais essayons quand même, et reprenons dès le début. Et d'abord une information, qui n'est pas anodine. La veille au soir, le lieutenant de vaisseau qui commande les automitrailleuses a rencontré l'un des officiers qui vont commander l'opération, le lieutenant-colonel Lebert. Celui-ci lui a confié que les mutins de Tiaroy possédaient des armes de poing et même des pistolets mitrailleurs et qu'ils avaient l'intention d'en faire usage. C'est vrai ou c'est du bourrage de crâne? Je vous réponds dans un instant. Donc, au petit matin, la troupe entre dans le camp. Les occupants du casernement sont invités à gagner des lieux de regroupement et donc à sortir de leur baraque. Ce qui provoque des cris, des protestations et même des insultes. Mais pas plus. Non, rien ne se passe avant 8h45. À cette heure-là, mais les témoignages sont confus, on entend un coup de feu. Mais qui a tiré? Mystère. Selon les autorités, ce sont les mutins. Mais d'après d'autres sources, il s'agirait au contraire d'un tir de semonce du service d'ordre ordonné par le lieutenant-colonel Lebert. Le point est donc controversé. Oui, tout comme le fait qu'un tirailleur appartenant au camp des assaillants aurait été blessé à la main par une balle tirée par les rebelles. Et plus tard, lors du procès des mutins, c'est ce que l'on prétendra. Pourtant, il sera établi que cette malheureuse balle n'a pu être tirée par le seul mousqueton possédé par les ex-prisonniers de guerre de Tiaroy. Alors par qui? Sans doute par l'autre camp. Mais c'est tout ce que je peux dire. Une bavure, donc? Un accident, oui. Autre affirmation suspecte. Des officiers déclareront qu'il y a eu des tirs d'armes automatiques en provenance des baraques. Mais ils ne désigneront jamais la même. Et surtout, on va le voir, les mutins n'étaient pas équipés de ce type d'armes. Il s'agissait donc, encore une fois, de prétendre qu'en ripostant, la troupe n'avait fait que répliquer. Et par conséquent, réduire une rébellion armée. Parce que cela, c'était un argument recevable par la justice. Recevable, mais en l'occurrence, mensonger. Alors, justement, voyons quelles étaient les armes en possession des rebelles de Tiaroy. Et ici, je me réfère au procès-verbal de la fouille qui a été effectuée après les événements. La fouille des baraquements. Et des hommes. Voilà la liste. Une poignée de pistolets, de mitraillettes et un chargeur. Un mousqueton, 4 pistolets automatiques, 5 revolvers, 2 grenades, une centaine de baïonnettes allemandes, des poignards et couteaux en grand nombre, des munitions de toutes sortes et de toutes provenances. Sans compter les marteaux, matraques et fers cornières. Ouais. Donc au total, pas grand-chose. Hein. Et en tout, rien qui puisse faire jeu égal avec la puissance de feu de 2 automitrailleuses et d'un char. Mais allons plus loin. Selon la version officielle, les mutins auraient tiré entre 8h45 et 8h55. Et c'est seulement vers 9h30 que le commandement aurait donné l'ordre aux tirailleurs de riposter. Une fusillade de quelques secondes. Hein. Qui va quand même provoquer un minimum de 70 morts. Or, il est prétendu que seuls les fusils des hommes de troupes auraient été utilisés. Et pas les armes automatiques des automitrailleuses. Ça ne correspond pas aux étuis qui vont être ramassés sur le terrain. Ouais, les étuis des munitions. Donc pour vous, alors, les automitrailleuses sont entrées en action. Et ça explique l'hécatombe en très peu de temps. D'ailleurs, il sera plus tard constaté un fait étrange. Il y a un trou dans le rapport établi par le lieutenant de vaisseau qui commande les automitrailleuses. Son récit s'arrête à 8h30 et sa chronologie ne recommence qu'à 9h45. C'est-à-dire que l'heure de la fusillade est passée sous silence. Et lors de l'instruction du procès, cet officier de marine ne sera jamais entendu, alors même qu'il se trouvait toujours à Dakar. Exactement comme si on n'avait pas voulu recueillir son témoignage. Ça y ressemble, non ? Manifestement, il fallait dissimuler le fait qu'on avait employé les grands moyens. De trop grands moyens pour venir à bout d'une bande si pauvrement armée. Et qui, selon toute vraisemblance, n'avait pas ouvert d'hostilité, sinon verbale. France Inter, rendez-vous avec X et avec Patrick Pénaud. À ce niveau du récit de M. X, il m'a paru intéressant de faire état du rapport du lieutenant-colonel Lebert qui commandait la troupe. Un rapport qui est en parfaite contradiction avec ce que nous venons d'entendre. Je cite. Je sens qu'il n'y a plus rien à faire, qu'il y a 2h30 que nous perdons la face, qu'une attaque brusquée avec mitraillettes, pistolets, grenades, armes blanches peut sortir des baraques sud et ouest. Je fais donner une dernière fois le garde à vous et préviens une dernière fois les mutins d'avoir à évacuer les baraques où je fais ouvrir le feu. Je donne l'ordre aux armes automatiques de se préparer à tirer sur le toit des baraques. Les tirailleurs prennent du champ jusqu'au fil de fer, prennent la position du tiré à genoux. Les mutins bravent tout, ricanent. Je fais sonner l'ouverture du feu. À la première salve, 3 mutins tombent devant la deuxième baraque. Je fais cesser le feu. Il a duré 10 à 15 secondes. Le rassemblement se fait immédiatement. Quelques rafales de mitraillettes et des coups de pistolet ou fusils sont encore tirés des baraques. Je vois les tirailleurs se jeter à plat ventre. La gendarmerie entre en action dans l'évacuation des baraques qui se fait au pas de gymnastique. Tout est rentré tragiquement dans l'ordre. Mais reprenons. Vous l'avez compris ? Il a fallu après coup mentir, maquiller des rapports et faire en sorte que tout les responsables s'expriment de façon cohérente. Toutefois, il y a peut-être encore plus grave. Je vous écoute. Hein. Certains éléments donnent à penser qu'il y a eu préméditation. Il y a déjà eu cet entretien là, que vous m'avez rapporté entre ce lieutenant de vaisseau qui commandait les automitrailleuses... Et le lieutenant-colonel chargé de diriger les opérations, oui. On a l'impression qu'il fallait faire peur. Et donc préparer les esprits à la nécessité d'une riposte. Je le pense. Tenez, pourquoi les cadres de conduite ont-ils été écartés ? Les cadres de conduite, qu'est-ce que c'est, ça explique ? Dans le jargon de l'armée, ce sont les officiers qui ont voyagé sur le Circassia avec les tirailleurs sénégalais. Oui, donc des hommes dont ils sont peut-être proches. Parce qu'ils avaient appris à les connaître au cours de cette longue traversée, oui. Donc, il a été jugé plus prudent de les éloigner à l'autre bout du camp de Tiaroy. Hors de vue du théâtre des opérations. Mais dans son rapport, l'un d'eux, malgré lui, a mangé le morceau. Il écrit avoir été informé dès 6h45 que la force allait être utilisée. Alors que le camp était encore calme. C'est ça. Ça veut dire que la décision avait été prise sans doute la veille de tout faire pour en finir avec l'insubordination de ces tirailleurs sénégalais qui, il faut le rappeler, ne demandaient que justice. Enfin, un dernier détail, même si je le trouve un peu douteux, car il s'agit de témoignages recueillis des années après les faits. Mais je vous le donne tel quel. Au début des années 80, alors qu'il était question de réaliser un film sur les événements de Tiaroy, les cinéastes ont interrogé les voisins de la caserne. Et certains ont affirmé qu'ils avaient vu des militaires creuser des fosses. Et quand ? Avant le 1er décembre. Donc avant le massacre. Et les corps des soldats indigènes tués auraient été déposés dans ces fosses communes. Mais c'est prouvé, ça ? Bah, en tout cas, dans le cimetière militaire de Tiaroy, on ne trouve nulle trace de l'inhumation des premières victimes de la fusillade. Le journal Le Monde, en mars 2013, a consacré un long article à cette affaire sous la signature de Benoît Hopquin. Le journaliste s'est en particulier référé au travail de l'historienne Armelle Mabon, que M. X a déjà cité, extrait. Au fil des versions se développe l'idée d'une riposte à des tirs à la mitraillette ou au pistolet mitrailleur venu des mutins. Le général Dagnan a fait établir à l'époque une liste des armes prétendument retrouvées. Armelle Mabon l'a fait examiner par des experts de l'Union française des amateurs d'armes. Rien ne tient dans cet inventaire ni ne justifie d'utiliser de tels moyens. Un char, deux alftracs, trois automitrailleuses pour y répondre. Armelle Mabon conclut que les autorités militaires au plus haut niveau voulaient, depuis la veille, faire un exemple contre des soldats qu'elles estimaient en état de rébellion. Les contradictions multiples et les nombreuses incohérences associées au témoignage suggèrent fortement la préméditation, affirme-t-elle. Les officiers auraient pris prétexte d'un début d'échauffourée pour tirer. Certaines des victimes avançaient sur les hommes qui les encerclaient, exhibant leurs galons français. Avant d'en venir à la suite, c'est-à-dire essentiellement au procès, il faut dire que cette affaire a suscité aussitôt une grande émotion au Sénégal, non seulement au sein de la population indigène, mais aussi parmi les militaires français et surtout le haut commandement. Je vous explique. Depuis la Grande Guerre, où le contingent noir et nord-africain avait joué un grand rôle, ces soldats jouissaient d'une très bonne réputation. Mais d'abord parce qu'ils avaient payé très cher leur engagement dans les deux conflits mondiaux. C'est évident. Et soudain, les événements tragiques de Tiaroy semblent indiquer que certains de ces soldats réputés pour leur fidélité à la mère patrie, c'est-à-dire la France, sont susceptibles de tourner Cassac. Alors c'est ressenti quoi ? Comme une menace ? Par le pouvoir colonial, incontestablement, parce qu'on se dit en haut lieu que tous ces soldats indigènes rapatriés pourraient répandre le ferment de l'anticolonialisme. Pour les dirigeants français de l'Afrique noire, c'est d'autant plus inquiétant que le prestige de la France n'est plus qu'il était. Mais à cause de la défaite de 1940. Oui. Par conséquent, il faut que ces soldats indigènes dévoyés soient remis dans le droit chemin avant que le poison n'infecte toutes les troupes coloniales. Des troupes qui sont le bras armé du pouvoir français dans l'Empire. Conclusion, après Tiaroy, il faut frapper fort. Et l'instruction du procès des mutins sera uniquement menée à charge. L'idée directrice étant celle-ci, si nos soldats indigènes tellement loyaux se sont révoltés, c'est qu'ils ont été exposés à une propagande anti-française. Hey, mais propagande de quelle origine ? Bon, on a le choix. Tantôt on parle des Allemands, tantôt des communistes. Mais là, il faut être prudent parce qu'en métropole, le gouvernement provisoire du général de Gaulle accueille des ministres communistes. Donc, on privilégie la propagande exercée par les Allemands. Ça paraît quand même très artificiel, non ? Je suis d'accord, mais c'est pourtant l'argument fallacieux qui va être utilisé lors du procès devant le tribunal militaire permanent de Dakar, qui s'est déroulé seulement 2 mois et demi après le massacre. Je ne vous donnerai qu'un exemple, mais il est très éloquent. Celui du soldat Antoine Abibou. Ouais, on m'a raconté. Ce tirailleur sénégalais, comme nombre de soldats noirs, a été fait prisonnier en 1940. Détenu au front Stalag de Rennes, il s'évade en 1943. Il se rend à Paris avec l'intention de nouer des contacts avec la résistance. Puis il trouve refuge dans une famille du Morbihan qui le cache jusqu'à la libération. Ensuite, il rejoint ses camarades et fait partie du contingent qui embarque sur le Circassia à Morlaix. Il se retrouve donc au camp de Tiaroy. Et après le massacre, il fait partie des soldats accusés de mutinerie. Devant l'officier instructeur, il se raconte son évasion, son intention de rejoindre la résistance, puis grâce à cette même résistance, son accueil par une famille bretonne qu'il cache. Mais ce magistrat militaire l'accuse aussitôt de mensonge. Pour lui, il n'y a aucun doute. Habibou est passé au service des Allemands. Mais comment peut-il en être aussi sûr? Le récit d'Habibou lui paraît invraisemblable. Mais a-t-il des preuves? Aucune, non. Il se gardera bien d'effectuer des vérifications. Or, on le sait aujourd'hui, en particulier grâce au témoignage des descendants de cette famille bretonne. Le récit d'Antoine Habibou correspondait parfaitement à la vérité. Il n'empêche que l'ancien prisonnier de guerre, convaincu d'actes de rébellion, a été condamné à la peine maximum. Et les autres? Les chefs d'inculpation étaient graves. Ça allait de la provocation de militaires à la désobéissance jusqu'à la rébellion commise par des militaires armés. Donc les inculpés risquaient gros. Effectivement. Et le jugement prononcé au début mars 1945 a été très sévère. 6 tirailleurs sénégalais ont été condamnés à 10 ans d'emprisonnement avec dégradation militaire et interdiction de territoire. Et j'imagine qu'Antoine Habibou figurait parmi eux. Oui. D'autres ont également écopé de peines de prison ferme de 7 ans à 1 an. Enfin, les derniers ont été condamnés à des amendes. À noter que tous ces hommes ont été courageusement défendus par un avocat sénégalais qui a remis en cause le chiffre officiel des victimes. 70, si vous le rappelez. C'est ça. Or, cet avocat a affirmé que ce chiffre avait été minoré. Et votre avis, alors? Franchement, je ne sais pas. Mais il est vrai que si l'on fait des additions, on trouve que des soldats auraient mystérieusement disparu entre la métropole et Tiaroy. Or, comme ils n'ont pas été jetés à la mer, il faut sans doute se dire qu'ils ont été des victimes du massacre. Je ne peux pas en dire plus. 70 morts, c'est déjà énorme. D'accord, mais 70 morts qui étaient noirs? Vous avez raison. C'est pourquoi on en a si peu parlé à l'époque. Mais c'est une réaction raciste. Bien entendu. Il faut quand même ajouter que si tous les condamnés ont vu leur pourvoi en cassation rejeté, à l'initiative d'un député africain, il a été fait appel en 1947 à l'intercession du président de la République, Vincent Auriol. Ouais. Une demande de grâce? Oui, et ça concerne 18 condamnés. À noter que 3 autres sont morts au cours de leur détention. Dans quelles conditions? On ne sait pas. Mais le haut commandement militaire n'est décidément pas prêt à accorder son pardon. Le ministère de la Guerre refuse que ces hommes bénéficient d'une grâce amnistiante, car on considère que les faits qui leur ont valu d'être condamnés sont des crimes. Donc, le président Auriol ne pourra prononcer que des suspensions d'exécution de jugement, ce qui interdira par exemple à ces hommes de réintégrer leur grade ou de bénéficier de leur retraite militaire. Mais ça ressemble à de l'acharnement. Exactement. Donc c'est à tort qu'on a dit que ces soldats indigènes avaient été amnistiés. Mais ils ont quand même été libérés. Oui. Et les survivants ou leurs familles ne désespèrent pas d'obtenir un jour une révision de leur procès. Autre manifestation de cet acharnement que vous évoquiez. On a refusé aux victimes du massacre la mention « mort pour la France ». Et les responsables militaires, là, ces hommes qui, d'après vous, sont coupables d'avoir menti, ont-ils été jamais mis en cause? Pas du tout. Si certains officiers subalternes ont été mis sur la touche ou même été invités à quitter l'armée, les autres ont été promus, y compris dans les grades de la Légion d'honneur. Alors, pour en terminer, si vous pensez que moi aussi, j'ai instruit un procès à charge contre l'encadrement militaire, je vous propose la lecture de ces quelques lignes écrites par un général, André Bache. Ah, je connais, c'est l'ancien chef du service historique de la défense. Eh bien, Bache a écrit ceci. Il en va de notre honneur national d'aider à la manifestation de la vérité. Ce n'est pas normal qu'on tire sur des gens désarmés. On ne peut pas en rester à la version d'une prétendue mutinerie alors que les archives montrent que c'est faux. Et dans cette mesure, le récent voyage de François Hollande à Dakar, où il a reconnu la responsabilité française dans le massacre de Tiaroy, a ouvert ce travail de réparation. La justice, toujours, à travers un livre hors procédure dans la tête d'un juge d'instruction de Patrick Ramael, ce magistrat, qui plaide avec talent pour l'indépendance de la justice, a lui-même prouvé combien il était attaché à cette indépendance. En faisant front contre une hiérarchie judiciaire trop souvent frileuse et prompte à ne pas déplaire au pouvoir politique. Par exemple, en osant pour la première fois dans l'histoire de la justice conduire une perquisition à l'Élysée. Ou encore, lors de l'instruction de deux grandes affaires, la disparition en Côte d'Ivoire du journaliste Guy Kéfer et celle du leader marocain Ben Barka, où Ramael n'a pas hésité à prendre de courageuses initiatives, quitte à prendre des risques pour la suite de sa carrière. Un livre aussi qui fourmille d'anecdotes sur le quotidien de notre justice. Cette émission a été réalisée par François Audouin, mise en musique par Monsieur Joum et préparée par Zachary Boubli et Rebecca de Nantes, qui a lu quoi cette semaine ? L'article de Julie Dandurin sur les tirailleurs sénégalais dans la très bonne revue Guerre et Histoire de décembre dernier. Elle retrace l'histoire de ces soldats issus de l'Afrique occidentale française, dont les premiers recrutements forcés datent du XVIIIe siècle. En 1910, ils sont la force noire du général Mangin. Nombreux et bon marché, ils doivent servir à la défense de l'empire colonial. Mais les deux guerres mondiales vont changer la donne et les tirailleurs sont envoyés sur tous les fronts européens et africains. Bien, ben vous pouvez acheter cette revue. Hein. Vous pouvez aussi nous retrouver sur franceinter.fr. À samedi prochain. Et tout de suite après le flash, Denis Chessou.